quatrième temps d'une série d'émissions spéciales de la Fabrique de l'Histoire en écho à la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, jeudi, le documentaire. Lundi, nous avons évoqué la question de la représentation démocratique avec Gérard Noiriel et Nicolas Rousselier. Mardi, le dilemme du maintien de l'ordre dans un pays où la liberté de manifester fait partie de ses principes fondamentaux. Hier, des questions d'économie, morale et d'impôts. Et aujourd'hui, justement, pour illustrer ce dernier thème, les impôts, le documentaire en nouvelle diffusion de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury s'arrête sur une révolte fiscale d'ancien régime. On en a beaucoup parlé à propos de cette crise des Gilets jaunes, celle du papier timbré. En 1675, c'est une révolte, non sire, c'est une allégorie, enquête sur un tableau breton jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec Pierre Rosimbert, François Bergot, Alain Croix, Gauthier Aubert et Guillaume Caserouni. Je vais juste sur le bord, je vais monter le taquet. Tu le tiens là. Tiens, attends, on va faire la zéco. Pour l'émission, c'était assez pratique de l'avoir sous les yeux. Le tableau au musée est accroché en second rang, donc il est un tout petit peu en hauteur. Donc là, nous l'avons descendu et mis sur un chevalet pour qu'il puisse être observé de plus près. Bon, c'est bon, pas de problème. C'est une révolte ? Non, sire, c'est une allégorie. Enquête sur un tableau breton. Nous avons vu autrefois, dans une belle et nombreuse collection formée à Rennes, aujourd'hui dispersée à tous les vents, un curieux tableau. Au milieu de la toile, traîné par deux tigres, conduit par une figure infernale, un char s'avance, chargé d'une montagne de sacs d'argent et de paquets de papier timbré, et portant sur cette montagne un homme d'un fort embonpoint, face rouge, qui brandit un glaive avec colère. Nous sommes face d'abord à un tableau qui est un tableau allégorique. Donc on voit à la droite deux femmes qui discutent ensemble, assises à l'entrée d'un temple, et devant elles il y a une scène de chaos. Avec un être diabolique qui est assis sur un char, tiré par des animaux sauvages, des personnages morts au pied du char et une ville qui brûle derrière avec des choses un peu étranges. Il y a une sorte de four sur le fond du tableau avec une tête en forme de poisson dessous et cette tête en train de fumer. Voilà, ça, on devine bien que c'est un truc un peu bizarre. Mais c'est un tableau sur lequel on voit une scène apocalyptique avec une masse d'individus écrasés par un char. Dans le fond, un incendie, des monstres et au premier plan, deux figures allégoriques dont l'une en tout cas semble se détourner de cette scène épouvantable. Le tableau de Chalette, qu'est-ce qu'il nous montre finalement ? Une force brutale symbolisée par ce char traîné par deux bêtes qu'on peut supposer être des léopards, mais on pourrait discuter là-dessus, qui écrase qui ? S'agit-il de peuples ? S'agit-il de privilégiés ? On le sent pas très bien. On voit par ailleurs, à l'écart, la justice, hein, elle est bien reconnaissable avec la balance et puis la paix, qui sont donc alors mises à l'écart ou qui se tiennent à l'écart. On peut interpréter les choses de deux manières. On est dans la... Ah oui, c'est un mot qu'il faut peser, mais presque dans une fantaisie allégorique. Hein, s'il n'y avait pas cette inscription « Les riches et les pauvres », eh bien oui, on se demanderait bien de quoi peut bien parler Chalette. Sur les corps pantelants de ses victimes, le terrible char roule en se dirigeant droit vers une fournaise placée à gauche du tableau et où il est impossible de méconnaître la gueule béante de l'enfer. Dans l'angle droit, en arrière du char et à l'écart, la justice et la paix se regardent avec tristesse, comme des disgraciés et des exilés qu'elles sont. Ça n'est pas pour rien que ces deux figures semblent séparées du récit dramatique. Elles sont comme des aspirations lointaines vers la justice et la paix qui sont bafouées, qui sont ignorées par ce drame que l'on voit au premier aspect. Ça me paraît très évident, même picturalement. Autant ce char traîné par les tigres, dans son style, est lointain, presque à l'opposé de la sérénité des deux figures allégoriques. Donc c'est un tableau qui, à première vue, peut paraître un peu hermétique. On se doute bien quand on le regarde qu'il y a un sens derrière, mais qui n'est pas forcément compréhensible tout de suite. Alors il faut ensuite baisser les yeux et regarder en bas du tableau, où il y a une cartouche. Alors cette cartouche donne déjà un indice, il y a marqué « Les riches et les pauvres sont injustement accablés ». Donc le peintre a placé cet élément au centre, c'est la légende du tableau, et a signé à droite, en mettant les armoiries du commanditaire, et a placé une inscription en latin sur la gauche. Alors la signature, la date plus les armoiries permettent évidemment d'installer ce tableau dans un contexte. Il y a marqué Jean Chalette in et fecit. In, c'est invenit, à inventer en latin. Et fecit, ça veut dire a fait, exécuter. Fecit, c'est vrai, exécuter. On a souvent ces éléments aussi sur des gravures. Et la date, c'est 1676. Donc là, on est en plein règne de Louis XIV. Donc là, l'étau se resserre, on voit bien vers quoi on commence à aller. Alors moi, il y a un petit détail qui m'amuse, mais j'ai mis du temps à le voir. C'est qu'autour de l'inscription « Les riches et les pauvres sont injustement accablés », il y a deux petits personnages. Il y en a un qui a l'air très content de lui et qui porte une couronne qu'il se met au-dessus de la tête. Il est très jovial et il a à ses pieds des bourses qui semblent bien pleines. Et de l'autre côté, il y a un personnage qui a l'air tout triste. Ça a l'air d'être son frère jumeau. Et qu'est-ce qu'il a à ses pieds ? Des feuilles de papier, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit de papier timbré. L'un est riche d'argent et l'autre n'est riche que de papier timbré, c'est-à-dire qu'il n'est pas riche, hein, à l'image des Rennais qui se sont vus injustement accablés, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, par l'impôt royal comme par la répression qui a suivi la révolte. Curieux tableau donc que celui qui nous occupe aujourd'hui. Hétéroclite, disparate, pas très lisible donc à première vue, et pour tout dire, assez éloigné de la plupart des critères qui consacrent ordinairement un chef-d'œuvre. Et pourtant, attirant, attachant même par son côté énigmatique d'abord, mais aussi par sa dimension historique. Que nous raconte ce tableau ? La petite histoire, celle d'un peintre rennais méconnu du XVIIe siècle et du contexte dans lequel il travaille. Mais aussi une page de la grande histoire, la révolte du papier timbré. C'est donc une sorte d'enquête que nous allons mener avec des historiens de l'art, mais aussi des historiens. Alain Croix. Pendant un siècle et demi, il faut le dire en souriant, la Bretagne a été scandaleusement sous-imposée. Et voilà donc qu'assez brutalement, au moment du règne de Louis XIV, ce décalage fiscal en faveur de la Bretagne est en train d'être rattrapé. Le prélèvement fiscal s'aligne plus ou moins sur les autres régions. Quels sont, au début de 1675, les nouveaux impôts créés ? Au début de 1675, c'est important pour comprendre la révolte, il n'y en a pas. Il faut bien comprendre que cette croissance fiscale, c'est des années précédentes, sans que ça ait soulevé sur le moment de réaction particulière. Il y a une dizaine de taxes plus ou moins importantes. J'en citerai seulement trois. Allez, une pour la forme, la taxe sur l'étain, ça nous paraît aujourd'hui bien secondaire. Pour les privilégiés, c'est pas négligeable. Mais surtout, il y en a deux. Une qui touche tout le monde, mais en bonne partie le peuple, la taxe sur le tabac. Nos bureaux de tabac d'aujourd'hui, c'est l'héritage de la création du monopole du tabac, qui est validé par le Parlement de Bretagne en 1674, donc 6 mois avant la révolte. Et puis, un peu plus tôt encore, en 1673, l'impôt sur la création même, en fait, du papier timbré, c'est un impôt. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancêtre du timbre fiscal, de ce que nous versons aujourd'hui aux notaires par exemple, ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Sauf que le timbre à l'époque, c'est pas le petit bout de papier qu'on connaît aujourd'hui, c'est un tampons, on vend du papier pour tous les actes officiels. Ce sont des petits ruisseaux, mais qui donnent l'impression qu'il y a beaucoup et qui, surtout, on va en voir l'importance, frappent tout le monde, aussi bien le peuple que les privilégiés, je pense par exemple au papier timbré. Ce qui est important, c'est le grand mouvement, enfin la grande émeute, il faut appeler les choses par leur nom, qui se passe à Rennes le 18 avril 1675, d'abord pour la masse de manifestants, des milliers de gens. C'est énorme à l'échelle de la ville de Rennes. Les émeutiers cassent tout dans les bureaux, certes, du monopole du tabac, certes du papier timbré, et ce n'est pas un détail. Les bureaux du papier timbré sont abrités dans le palais du Parlement, le symbole du pouvoir à Rennes. Et puis même ils s'en prennent au bureau d'autres impôts, c'est vraiment l'émeute, ce qu'un notable rennais, un notaire, qualifiera d'émeute de la populace aveugle. Ça, c'est le 18 avril. Et ensuite, donc, ça gagne toutes les villes, on va dire, de l'est de la Bretagne. Si je parle en termes de département actuel, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et une partie des côtes du Nord et du Morbihan, ça montre à quel point l'étincelle, hein, vraiment a suffi à, allez, on va dire des mots un peu éculés, mais à embraser les villes de Bretagne et d'une manière qui, à l'époque, est tout à fait inouïe. Il faut souligner qu'à la différence de quasiment toute la France, la Bretagne n'avait connu aucune révolte au XVIIe siècle. Il y en a vraiment à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, quantité, rien, quasiment rien en Bretagne. À l'époque de Louis XIV, il n'y a quasiment aucune révolte en France. Et voilà tout d'un coup qu'il y en a une en Bretagne, une chose tout à fait inouïe à l'échelle de la province. À Rennes, laissant de côté la Basse-Bretagne où les faits sont encore mal connus, à Rennes, malgré les trois émeutes de cette ville, il n'y avait pas à la charge des mutins un seul homicide. L'immense majorité de la population ne leur avait prêté aucun appui. La bourgeoisie avait pris les armes pour les combattre et s'était portée partie contre eux devant le Parlement. Mais tout en combattant l'émeute, la bourgeoisie, la magistrature, tout le monde à Rennes et en Bretagne réprouvait ouvertement les impôts oppressifs, cause première des troubles. Arthur le Moine de la Borderie, 1884. Ce qui est sûr, pour moi en tout cas, c'est que cette révolte révèle les derniers feux jetés par ce qu'on appelle la bonne ville finalement. Gauthier Aubert. Rennes se pense encore, alors que ce n'est peut-être plus de saison, comme une bonne ville, c'est-à-dire une ville qui vit avec une certaine forme d'autonomie, en relativement bonne intelligence avec le pouvoir royal, autour de son beffroi, derrière ses murailles, et une ville dans laquelle la milice urbaine joue un rôle particulièrement important de contrôle social, de surveillance, mais aussi comme étendard de la fierté municipale. Rennes n'est peut-être pas encore au courant que ces temps-là ont un petit peu changé et que désormais on est dans une monarchie que certains ont qualifiée d'administrative, mais aussi une monarchie qui est tendue vers quelque chose de prioritaire, qui est la gloire du roi. Et donc, dans ce cadre-là, il faut payer des impôts et accepter que les soldats viennent pour aider à les gens à comprendre qu'il faut payer des impôts. Ce qui se passe à Rennes, c'est l'exemple, en fait, d'une complicité entre les différentes catégories de la population. Bon, le moteur, c'est clair, c'est le peuple. Le petit peuple, le bas peuple, la populace, ai-je dit tout à l'heure. Simplement, si cette révolte peut prendre de l'ampleur, c'est parce que la bourgeoisie ne réagit pas. Situons bien les choses, il n'y a pas de soldats en Bretagne à l'époque. Nous sommes en pleine guerre de Hollande. Donc, les seules forces de l'ordre, pour prendre un terme actuel, à Rennes, ce sont les milices bourgeoises. Et les milices bourgeoises sont, c'est le moins qu'on puisse dire, très molles. Elles ne participeront pas, ou à peine, à la répression. L'autorité publique, c'est le Parlement. Dissipons tout de suite un malentendu. Le Parlement, c'est pas une chambre élue, ce sont des magistrats. C'est un tribunal qui a à la fois pouvoir de justice, pouvoir de police et pouvoir d'administration. Et le Parlement, lui aussi, se montre extrêmement laxiste au moment de la révolte. L'explication de cette complicité, c'est que les privilégiés, eux aussi, sont mécontents devant cette création de multiples impôts, à l'exemple du papier timbré, qui est un de ceux qui les touchent le plus. Et voilà ce qui explique cette large complicité et qui, bien sûr, justifiera plus tard une punition collective à l'encontre de la ville de Rennes. On distingue sur le tableau plusieurs types de personnages. Les pauvres sont probablement représentés par ceux qui sont juste devant la gueule des fauves qui tirent le char de la répression. On voit que l'un a des vêtements probablement troués. On voit une canne également, une béquille plus précisément. On voit des femmes avec des enfants, ce qui signifie que c'est l'innocence qui est accablée, des innocents, mais aussi toute la société urbaine dans son ensemble. Et donc cela vient nier justement l'idée selon laquelle ce ne sont que quelques brouillons, quelques personnages qui vivent dans les quartiers, là au fond des faubourgs. Non, c'est vraiment tout le monde. Et ce qui achève d'indiquer que c'est toute la communauté civique qui est concernée, c'est la présence de ces hommes en cuirasse qui semble signifier, qui renvoie selon moi aux miliciens, aux gens de la milice bourgeoise. La milice bourgeoise a joué un grand rôle dans la révolte. Certaines compagnies de milices ont été extrêmement actives et c'est parmi les miliciens qu'il y aura le plus grand nombre d'exécutés. Donc on est sur une représentation qui se veut globale de l'ensemble de la société, des femmes, des vieillards, des enfants et des hommes dans l'âge mûr qui, du fait de leur fonction au sein de la milice bourgeoise, représentent la ville. Les impôts sont donc à la fois un symbole et un instrument de la centralisation à l'œuvre sous le règne de Louis XIV. Centralisation qui s'opère dans tous les domaines, y compris dans celui des arts. L'Académie royale de peinture et de sculpture a été fondée en 1648 et les peintres parisiens rayonnent sur la France. Pour beaucoup d'artistes de province, la fin du XVIIe siècle est un moment de doute, voire de fragilité, comme nous l'explique l'ancien président du Louvre, Pierre Rosimbert. C'est un moment difficile. La première moitié du siècle est une moitié d'émancipation. En gros, on sait bien que la capitale des arts, c'est Rome, et que pour être grand peintre, il faut passer par Rome. Et tout est fait pour que, justement, Paris puisse se substituer à Rome. La politique de Richelieu va dans ce sens. La seconde moitié du siècle est un peu différente. Il y a déjà des peintres qui n'ont plus besoin de Rome. Alors évidemment, ce siècle, il est extraordinaire pour la peinture. Il est dominé évidemment par un peintre qui a passé toute sa vie à Rome, ou presque, qui est sans doute le plus grand peintre français de toute l'histoire de la peinture française. Je vais parler de Poussin. Mais il y a aussi toute une école à Paris. Vouet rentre à Paris en 1627, devient un très grand peintre. Et il y a aussi évidemment des peintres en province. Il y en a beaucoup. Il y en a surtout dans le Midi. Beaucoup sont passés par Rome, retournent dans leur ville natale et ils font des carrières assez éclatantes. Toulouse est un bon exemple d'une ville qui a connu une véritable école de peinture au XVIIe siècle. Et la Bretagne dans cette province ? Mais la Bretagne, elle est bien loin. On ne sait pas grand-chose sur elle, mais il y a beaucoup de tableaux dans les églises de Bretagne. Il y a toute une production. Il y a maintenant même des historiens d'art qui se sont un peu spécialisés sur cette peinture en Bretagne. Il y avait d'ailleurs quelques tableaux qui venaient de Paris. On découvre régulièrement des tableaux d'origine parisienne, donc des commandes faites à Paris par la Bretagne, pour les églises, bien sûr, surtout à Vignon, à Claude Vignon, qui est un peintre très prolifique, et lui aussi formé à Rome. Et il y a toute une vie de la peinture locale à l'époque. Une vie qui montre un intérêt pour la peinture, non seulement du clergé, mais de la bonne bourgeoisie. Et des peintres comme Chalette, on a vu, en partant de ce tableau. Il y en a plusieurs Chalettes. Il y en a un à Toulouse aussi, qui occupe une position, alors là, vraiment dominante, et qui est un bon peintre. Mais c'est sûr que c'est son père, hein ? Est-ce que c'est sûr que c'est son père, celui de Toulouse ? Parce que ça aussi, en fait, il y a deux Jean Chalette. Et le Jean Chalette de Rennes, en fait, à un moment donné, a été confondu avec celui de Toulouse, puisqu'ils s'appellent tous les deux Jean et tous les deux Chalette. On ne sait pas très bien si c'est la même famille ou pas. Guillaume Caseroni. Les régions de France, qui à l'époque de Louis XIV ont une école artistique forte, il y en a de moins en moins. Parce que, précisément, à partir de Louis XIV, et même un peu avant, la centralisation française commence à être en marche et tout se passe à Paris. Donc ça va petit à petit entraîner une certaine léthargie dans les centres régionaux qui étaient très très vivantes avant. Il y a certains centres qui vont survivre, hein, mais ça n'a plus la même importance que avant la création de l'Académie royale à Paris, l'espèce de centralisme où tout le monde veut aller à Paris. Et la Bretagne en particulier là-dedans, comment est-ce qu'elle s'en est ? Alors la Bretagne globalement n'a jamais été une terre de peinture. C'est une terre qui a été très prestigieuse pour l'architecture, pour la sculpture, mais on n'a pas vraiment de production picturale exceptionnelle en Bretagne. Le Parlement de Rennes, avec son grand décor peint par les principaux artistes parisiens de l'époque, Noël Coypel, Jouvenet, etc., montre déjà cette croyance dans la grandeur de la peinture, cette volonté de faire appel aux grands artistes français de l'époque. Donc, après un XVIe siècle qui a été brillant, mais qui a connu une fin de siècle très difficile, avec la prospérité économique du pays, avec les victoires militaires de la France, on se rend bien compte qu'il y a une renaissance, une véritable renaissance. Et la Bretagne, bien que loin de Paris, ne fait pas exception. Et Jean Chalette, à ce moment-là, est l'un des principaux peintres de la ville. Donc c'est un artiste qui a eu une certaine notoriété parce qu'on lui avait confié notamment le suivi des travaux du Parlement. Alors c'est pas lui qui peignait, mais il avait intégré l'équipe de Charles Erard, qui était peintre du roi, et qui, à distance, gérait la campagne de travaux du Parlement de Paris, avec une équipe qu'il avait embauchée, notamment Noël Coypel, qui est un grand peintre qui lui servait de pinceau. C'est Noël Coypel qui peignait les plafonds. Erard concevait l'ensemble et il avait plein de petits artistes, menuisiers, à qui il sous-traitait des petits éléments. Donc Jean Chalette faisait partie de cette équipe. Et c'était assez pratique parce que du coup, Erard pouvait compter sur quelqu'un qui était sur place pour gérer ce grand chantier. Ça peut paraître difficile à imaginer aujourd'hui, mais tout ce qui a été fait au Parlement l'a été à Paris. Tout était apporté à Rennes en pièces détachées. Et ensuite, les boiseries étaient collées au plafond et les tableaux étaient marouflés dedans. Et Noël Coypel n'a jamais mis les pieds probablement à Rennes. Il a tout peint à Paris avec les dimensions qu'on lui spécifiait et évidemment le sujet des tableaux. Et ensuite, Chalette était chargé de monter ses plafonds dans les tableaux. Ce qui était assez pratique parce que dans ce genre d'opération, même aujourd'hui, il y a toujours un peu de dégâts. Une petite rayure, un petit problème de raccord. Et donc là, c'était un vrai peintre et il pouvait évidemment faire ses petites réparations. Maître peintre au Parlement de Bretagne, c'est une reconnaissance de l'artiste local qui sans doute gère les affaires de la peinture de la ville. C'est une sorte de charge. Mais si vous voulez, les choix artistiques qui se font à l'époque et pour lesquels, en effet, le maître peintre doit avoir son mot à dire, sont des choix aussi, si j'ose dire, le mot politique est malvenu. Parce qu'il y a des courants dans la peinture française du XVIIe siècle. Il y a eu une querelle très célèbre au XVIIe siècle dans la peinture française entre ceux qui défendaient Rubens et ceux qui, au contraire, mettaient Poussin au pinacle, les rubénistes et les poussinistes. Et ce sont deux manières de concevoir la peinture tout à fait différentes. L'une privilégie la couleur, l'autre accorde plus d'importance à la ligne. Et là, évidemment, un homme comme Chalette peut faire un choix. Donc là, il a un rôle, incontestablement. Il doit sans doute aider les parlementaires. Il aura sans doute ouvert les yeux aussi, un petit peu sur ce qu'était la peinture. Il y a des collectionneurs à l'époque déjà. Tous ces peintres vivaient considérablement, vous avez vu bien, des décors qu'on leur commandait. Les hôtels commencent à être richement ornés et on fait appel aux peintres locaux pour ces décors, puisque c'était très difficile de faire venir quelqu'un de Paris. Donc il y a tout un marché, si j'ose dire, de la peinture, toute une dimension économique qu'on commence à étudier d'ailleurs à l'heure actuelle très sérieusement. On sait le nombre de peintres qu'il y avait dans les villes, qui est considérable. On se demande parfois de quoi ils vivent. Ils vivent bien sûr de leurs tableaux, mais ils vivent aussi de tâches de peinture moins glorieuses, des lambris, des choses comme ça. Tout ça, on s'aperçoit bien qu'il y a tout un monde qui se met en place avec leurs collectionneurs, leurs querelles, leurs académies, et tout ça, c'est assez passionnant. Chalette, n'est-ce pas, est un peintre. Le nom rappelle évidemment le grand Chalette de Toulouse. C'est probablement de cette famille. Il arrive à Rennes pour travailler au décor du Parlement de Bretagne. François Bergot. Et c'est donc par ce qu'il entreprend dans les différentes salles du Parlement qu'il est connu et apprécié des amateurs rennais. Ce qui amène quelqu'un dont on peut lire les armoiries au bas du tableau. Il s'agit d'un ecclésiastique, monsieur de la Monneraie, d'une famille qui existe toujours d'ailleurs en Bretagne, dont j'ai connu des membres. Ce monsieur de la Monneraie était protonotaire apostolique, donc il avait le titre de Monsignor. Et c'est lui qui a commandé ce tableau à Chalette. Ce n'était pas le premier tableau connu de Chalette en dehors de ses travaux pour le Parlement. Son tableau que j'ai répertorié comme étant le plus ancien de sa production, se trouve toujours à la cour d'appel de Rennes. Il avait été peint pour le Parlement. C'est un tableau qui représente le roi Louis XIV agenouillé devant un Christ en croix sur un fond de paysage. Tableau assez intéressant, mais qui montre un des défauts, si j'ose dire, de Chalette, à savoir que c'est un tableau en trois parties. Le roi est à gauche, la crucifixion est au centre, et à droite, il y a le paysage. Tout ça n'est pas très bien fondu. C'est très bien peint individuellement, si j'ose dire, mais la fusion manque. Et on trouve dans d'autres œuvres de Chalette cette dispersion un peu maladroite, qui ne se trouve pas, en revanche, dans le tableau de 1676, qui vous intéresse particulièrement, car c'est très volontairement, à mon sens, qu'il a séparé par une colonne, qui repose sur un socle important, qu'il a séparé les allégories qui sont l'aspiration vers la justice et la paix, de ce qui se passe, la répression féroce des tigres. Deux inscriptions, une date et un écusson expliquent clairement le sens de cette peinture. Les deux inscriptions se trouvent dans le bas du tableau, l'une vers le milieu dans un cartouche, l'autre à angle gauche. Celle-ci reproduit les paroles de l'écriture. Recta iudicate filii hominum. Dans l'angle droit, la date de 1676, et au-dessous de cette date, un écusson accompagné d'attributs qui montre que ce tableau fut exécuté pour Messire Jean de la Monnerie, grand archidiacre de Rennes. Cette destination, cette date, ces devises ne peuvent laisser aucun doute. Ce tableau représente l'opinion des contemporains, des plus modérés et des plus graves, sur la répression du duc de Chaulnes. Cette opinion est aussi l'arrêt de l'histoire. Arthur de la Borderie, la révolte du papier timbré advenue en Bretagne en 1675. Le tableau de Chalette, je pense qu'il faut pas le surévaluer. Un de mes collègues, là, historien de la culture réputé Jean Quignard, avait eu, je la cite de mémoire, là, une formule sur ce tableau qui m'avait frappé. Il m'avait dit, et il avait écrit même à l'époque, que c'est une allégorie vue par les nantis de l'argent et de la culture. Alain Croix. Il y a dans le tableau deux détails révélateurs. En bas à gauche, une phrase en latin qui est empruntée au psaume de David, alors qui effectivement dit des choses tout à fait intéressantes. Il faut que, quand on parle de justice, voilà, que la justice soit droite, le mot droitement est en majuscule. Et en même temps, en bas à droite, il y a des armoiries, sont celles du commanditaire, qui est un archidiacre de Rennes, lié à une grande famille parlementaire, les Lamonneret. Voilà, c'est vraiment un tableau extrêmement loin des préoccupations du quotidien, des préoccupations de l'immense majorité des Rennais. Aux archives d'Ille-et-Vilaine, il existe un gros fonds issu des saisies révolutionnaires qui concerne cette famille, la famille de la Monnerie, qui est une famille extrêmement importante à Rennes. Gauthier Aubert. Donc on sait pas forcément grand-chose sur cet individu, mais on sait donc que c'est un notable caractéristique de la ville, un ecclésiastique qui habite le centre de Rennes et qui a vu tout, sans doute, ou en tout cas qui a pu tout voir de la révolte, et qui, par ailleurs, a un frère qui lui a laissé un important livre de raison dans lequel sont inscrites des mentions très importantes concernant la révolte et sa répression, et qui témoigne d'une très forte désapprobation de la répression notamment, dont on trouve ici finalement un écho. Parce que ce tableau finalement est un tableau sans titre, on le trouve fréquemment sous le titre d'allégorie, la révolte du papier timbré. Pour ma part, j'ai ensuite proposé de l'appeler plutôt allégorie, la répression de la révolte du papier timbré, parce que là, c'est pas la révolte qui est en jeu, c'est bien la répression. Et plus récemment, dans ce fonds d'archives de la famille de la Monnerie, j'ai trouvé l'inventaire après décès de ce Jean de la Monnerie, avec mention de ce tableau, très probablement, qui s'appelle « L'injustice ». Et je crois que finalement, c'est vraiment ce titre qu'il mérite de garder pour la postérité. Et on sait qu'il figurait dans la principale salle dans laquelle vivait cet archidiacre dans le centre de Rennes. Et c'est le tableau, d'ailleurs, qui est le vendu, estimé, puis vendu le plus cher à l'occasion de son décès. Il est acheté par quelqu'un qu'on n'a pas identifié, et on ne sait pas très bien ce que va devenir ce tableau avant d'intégrer les collections du musée au XIXe siècle. Ce tableau de Chalette a été relativement peu exposé au Musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, il n'était pas exposé jusqu'au récent réaccrochage du musée, qui date d'il y a 6 mois. Donc, il était souvent en réserve, alors que c'est un tableau très célèbre. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ce côté paradoxal tient précisément à la qualité picturale de cette œuvre. Si on analyse le tableau au point de vue purement esthétique, il y a quand même une certaine faiblesse dans cette peinture. Les contours sont très cernés, il n'y a pas un coup de pinceau particulièrement éblouissant. Alors, on n'est pas non plus là dans quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire que c'est une image qui se tient, mais qui n'égale pas les autres grands peintres de cette époque. D'ailleurs, le fait de l'avoir présenté dans la salle en second rang aujourd'hui, qu'il a accroché un peu en hauteur, permet de faire la comparaison avec les autres artistes autour. Donc autour, nous avons Jean Jouvenet, nous avons tout un mur consacré à Noël Coypel. Il y a des élèves de Lebrun, comme Michel de Corneille, qui est juste en dessous, les petits tableaux de François Verdier et de Nicolas Loire. On voit bien qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez Chalette, qu'il y a chez ces artistes, dans la manière de composer, de concevoir l'image, de rythmer l'image. Vous voyez qu'on a l'impression d'une chose un peu disparate quand on regarde le tableau. Je tenais à le mettre en salle parce que j'estime que dans un musée d'un lieu très précis, c'est bien qu'on ait aussi un reflet de l'histoire de ce lieu par les traces qu'on en conserve. On a peut-être devant nous l'œuvre la plus historique du musée. Quand on parle de la révolte du papier timbré, qui est une chose très connue, si on n'avait pas ce tableau, on aurait quoi comme image de cette révolte ? Rien. Le tableau est devenu un peu le symbole de cet événement. Et on a plutôt de la chance parce que tous les événements n'ont pas le droit, les petits événements, à une peinture de ce type-là. Et c'est le temps qui a permis à ce tableau de se conserver, qui l'a fait rentrer assez vite au musée, ce qui fait qu'il ne s'est pas perdu. Probablement au XVIIe siècle, si c'était un tableau qui avait été rendu public, si tout le monde l'avait vu, on l'aurait détruit au bout d'un moment. Parce que c'est un tableau qui n'est pas très sympathique pour le pouvoir royal. Donc voilà, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui font que le hasard nous a emmené cette image jusqu'à nous. Hein. J'ai été conservateur du musée de Rennes, à la tête de cet établissement pendant 10 ans. François Bergot. Et j'avais très vite remarqué ce tableau pour le côté inattendu qu'il révèle. Et j'ai voulu essayer de dénouer ce nœud. C'en était un pour moi. Or, il se trouve que j'ai travaillé à Rennes également sur un tableau qui appartient aux collections de Rennes, un de ses chefs-d'œuvre, Saint-Luc peignant la Vierge de Martin van Heemskerk. Ce qui m'avait amené à travailler sur Heemskerk, sa peinture, ses gravures. Et je suis tombé un jour sur une gravure de Heemskerk qui aussitôt s'est imposée pour moi comme étant une des sources, je dirais même la source essentielle du tableau de Chalette. Il s'agissait d'une gravure de Heemskerk qui représente le triomphe de la mort. C'est une mise en scène tout à fait fantastique qui montre un char attelé de bœufs et sur lequel est dressée l'allégorie de la mort. Tout cela dans un décor absolument infernal. Eh bien, on retrouve l'essentiel de cette composition dans le tableau de Jean-Bernard Chalette. Et là, on est en plein dans un phénomène qui est absolument passionnant, qui touche tout l'art européen au XVIe, au XVIIe siècle. C'est le phénomène de la reproduction et de la diffusion des images par l'estampe. Et on a des milliers, voire des millions d'estampes qui sont imprimées. Guillaume Caserouni. Qui permettent aux artistes de diffuser leurs créations. Donc Chalette va avoir, comme la plupart des artistes régionaux de son époque, des portefeuilles d'estampes à disposition. C'était des recueils de modèles dans lesquels ils piochaient, dans lesquels ils faisaient leur culture visuelle. Absolument. La gravure de Heemskerk est la base pour créer l'image. En fait, cette ruine par l'impôt est comparée à ces grandes allégories de la mort, du char de la mort qu'on peint depuis le Moyen-Âge. C'est souvent des représentations où on voit la mort qui passe et c'est la désolation sur son passage. La guerre, les incendies, les gens qui meurent, les gens qui ont faim. Donc c'est amusant de voir comment Chalette joue avec cette iconographie que tout le monde connaît et qui fait peur pour montrer le visage de l'impôt. Chalette a déjà une idée de ce qu'il veut créer derrière la tête et de Heemskerk qui reprend que le système de représentation. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un peintre? Ce qui le caractérise, c'est son invention. C'est-à-dire qu'il a l'idée d'un sujet, il veut peindre l'Assomption de la Vierge ou la mort de Germanicus, un sujet, mais entre transformer un sujet, un texte, qui vient de la Bible ou de la mythologie, en une image, c'est là qu'il a toute la difficulté. Beaucoup de peintres n'ont pas cette capacité. Et par conséquent, ils se rabattent sur des modèles, c'est-à-dire des gravures. Des gravures du Nord, mais surtout Raphaël. Ils savent bien, ces peintres, qu'il leur manque cette capacité qui est l'invention. Donc ces peintres locaux, ils faisaient comme ils pouvaient en utilisant les gravures à gauche et à droite. Je crois que, je ne le cite pas comme un chef-d'œuvre absolu, bien entendu, mais je crois que c'est quelqu'un qui s'exprime avec son vocabulaire, avec les limites de son vocabulaire, mais avec à la fois la liberté et l'authenticité du ton. Ce qui me le fait dire, c'est que sa palette est très franche. Il n'a pas peur. On lui a commandé un tableau en lui disant qu'il faut illustrer cet événement dramatique. Eh bien, il s'y donne complètement. Et c'est ça, c'est cette saveur dans la palette, dans la franchise de la couleur, qui en fait tout l'intérêt. Donc vous voyez, quand on regarde la gravure dont on a une reproduction sous les yeux, d'abord, il n'y a pas autant de marge autour des personnages que dans le tableau de Chalette. La gravure de Heemskerk est cadrée de manière très serrée pour contenir tous les personnages qui sont placés au ras des côtés du tableau, alors que Chalette essaye, pour pouvoir placer ses allégories féminines, il a créé une sorte de trône qui ressemble à l'entrée d'un temple. Donc ça crée déjà de la distance avec les figures. La figure de la mort est très grande dans la gravure de Heemskerk. Il l'a considérablement réduite dans le tableau. Donc il y a un problème de proportion. Les personnages vont pas très bien ensemble. Donc voilà, en fait, il casse un petit peu ce système dense de la composition de Heemskerk, qui en même temps est un système de composition qui n'est plus à la mode au début du XVIIe, ou au milieu, ou à la fin du XVIIe, comme on est avec Chalette. Heemskerk, c'est un artiste qui fait une gravure presque un peu maniériste, alors qu'à l'époque de Louis XIV, cette manière d'empiler les motifs les uns sur les autres, on le fait plus. On estime ça comme trop compliqué pour le regard. Donc Chalette a essayé aussi peut-être de rendre son image plus pédagogique et plus lisible. La scène reproduit très largement, en l'accentuant, l'aspect maniériste de la gravure de Heemskerk. En revanche, les deux allégories sont véritablement des figures idéalisées, comme une aspiration, un désir vers la paix, vers la justice, mais qui appartiennent, elles, vraiment à l'idéalisme de la peinture française du milieu du XVIIe siècle. Alors, le XVIIe français, durant le règne de Louis XIV et même un peu avant, on est un petit peu dans le royaume de l'allégorie. On aime montrer les choses de manière déguisée, intellectuelle, que ce soit Simon Vouet avant Chalette, même Poussin, ils ont tous peint des sujets allégoriques. Et généralement, la mythologie est appelée pour montrer de manière visuelle un discours. Chalette a été associé à la réalisation par Coypel dans la Grande Chambre d'une représentation de la justice et de l'innocence qui est jusqu'à un certain point le contraire de cette toile-ci. On y voit la justice et l'innocence qui là ne se détournent pas et en dessous d'elle la force qui chasse les vices. Et on peut se demander, en mettant en regard cette grande peinture du Parlement de Bretagne et ce tableau de Chalette pour la Monnerie, si on n'a pas finalement un jeu de miroir D'un côté, le bon gouvernement, et ici, le mauvais gouvernement. Une allégorie qui soit aussi événementielle, ça c'est pas courant. Pierre Rosenberg. Bien que la plupart des allégories célèbres cachent très souvent des sujets d'actualité. C'est-à-dire que c'est l'allégorie de la richesse, mais c'est aussi, ça peut être l'allégorie, par-dessous, il peut y avoir une allusion au propriétaire, au commanditaire de l'œuvre. Elles sont abstraites, mais elles peuvent être très souvent allusives. Ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est qu'elle n'est pas allusive, elle est vraiment descriptive. Et ça, en effet, c'est plus rare, c'est vraiment plus rare. C'est sans doute la volonté du commanditaire. Ce tableau, il renvoie pas forcément à des épisodes particuliers de la répression, si ce n'est que le fait qu'on voit des miliciens allongés par terre peut renvoyer à l'exécution de certains d'entre eux. Gauthier Aubert. Mais il renvoie à quelque chose peut-être de plus global, et c'est peut-être pourquoi ce tableau est aussi un tableau qui est une allégorie du mauvais gouvernement. Il y a donc des fauves qui écrasent la population. Ces fauves tirent un char qui lui-même est mené par un démon. Et sur le char que tire ce démon, on voit un amoncellement de pierreries, de trésors, hein, et même, semble-t-il, du papier timbré. Hein. Si on regarde attentivement, on peut se demander si là, il n'y a pas au-dessus des roues du papier timbré. Donc, cette impression qu'il y a derrière la répression, l'enrichissement. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir le regard attiré par un personnage qui figure en arrière de ce char. Alors, la composition n'est pas une qualité plastique telle que... On a un peu de mal à voir comment tout cela s'organise. Et donc ce personnage qui tient une épée à la main, qui a des sacs sur les pieds, qui semble piétiner une balance, pourrait être le duc de Chaulnes, le gouverneur de Bretagne, qui est le grand ordonnateur de tout cela, et à qui on reproche de s'enrichir aux dépens des Rennais. Le duc de Chaulnes, il est vrai, n'était pas insensible à l'argent. Et ce que les Rennais lui reprochent beaucoup, c'est qu'il avait promis que l'armée ne rentrerait jamais dans Rennes. Il l'avait promis contre argent. Et les Rennais ont quand même vu arriver les soldats. Et donc, il s'est fait insulter. Il a été traité de gros cochon, de traître. Il ne faut pas oublier que la présence des soldats implique des paiements, des impôts supplémentaires extraordinaires qui sont levés aux grandes dames de la population. Alain Croix. Le duc de Chaulnes, voilà, c'est dans l'occurrence le bouc émissaire. N'exagérons pas. Le duc de Chaulnes a été complètement dépassé par l'émeute, au point qu'il en a été amené à truquer les rapports qu'il envoie à la cour en atténuant le problème, en laissant croire qu'il est en train de se régler. Le duc de Chaulnes a appelé dès le mois de juin à une répression sévère. Il a même, par exemple, proposé de raser tous les faubourgs de Rennes quand les choses se seraient apaisées. Bon, ça, c'est ce qui semble lui attribuer un rôle important. Ceci étant, le duc de Chaulnes ne fait qu'appliquer la politique royale. Il est inconcevable d'admettre une révolte contre le roi. Alors, quant à la répression elle-même, il y a quand même une dizaine d'exécutions à Rennes. Les troupes, ça c'est une sanction déjà très dure, les troupes vont cantonner à Rennes aux frais des habitants. C'est bien sûr une charge financière, mais ces quantités d'exactions qui ont été relevées, des viols par exemple, on parle d'enfants mis à la broche. Alors, on les détache finalement avant la fin, mais vous voyez le niveau, ils cassent tous les maisons, les fenêtres, etc. Plus grave encore, le pouvoir royal décide à titre de représailles de faire détruire symboliquement une rue de Rennes, la rue Haute, en faire un exemple. 2 à 3 000 habitants sont chassés de leur logement. Et puis alors, le pire de tout pour les Rennais, le Parlement est accusé de laxisme non sans raison et il est exilé à Vannes. Et la ville de Rennes, entre les parlementaires, ceux qui les entourent, ceux qui travaillent pour eux directement ou indirectement, la ville de Rennes perd environ 10 000 habitants, 20% de sa population. Elle ne retrouvera le Parlement que 15 ans plus tard, en 1690. Chalette a travaillé au chantier du Parlement de Bretagne et il se retrouve avec le transfert du Parlement à Vannes dans une situation de chômage technique qui le conduit à se tourner manifestement vers des commandes privées. Donc il y a la rencontre entre un artiste désœuvré qui par ailleurs a probablement vu tout de la révolte et de sa répression, pour autant qu'on puisse le savoir. Hein, il habitait, j'ai pu retrouver son adresse, hein, il habitait en plein cœur de la ville, tout près de chez Lamonneray d'ailleurs. Il faut voir que même une famille comme les Lamonneray incarne par excellence ces familles de notables provinciales, à mi-chemin entre la bourgeoisie et la noblesse. C'est une famille qui n'a pas à se plaindre de l'état royal, qui occupe des offices, qui occupe des fonctions importantes, mais qui pour autant est traumatisée par la répression, parce qu'elle estime que cette répression, qui frappe aussi les riches et pas simplement les pauvres, est quelque chose de profondément injuste. Et c'est ce qu'on retrouve à travers l'affaire du transfert du Parlement à Vannes, qui est un transfert, mais qui est conçu comme un exil, parce que les gens du Parlement de Bretagne, qui avaient été jugés incapables d'endiguer la révolte, estiment pour leur part qu'ils n'avaient absolument rien à se reprocher. Et c'est bien ça qui gêne énormément quelqu'un comme Lamonneray, et au-delà de lui, effectivement, des gens qui sont abattus. Hein, la marquise de Sévigné raconte que son cousin est en pleurs, par exemple. Donc c'est un sentiment qui semble assez largement partagé dans les strates supérieures de la société urbaine. Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours 5000 hommes, car il en est venu encore de Nantes. On a chassé et banni toute une grande rue et défendu de les recueillir sous peine de vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables, vieillards, femmes accouchées, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. On roua avant-hier un violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré. Il a été écartelé après sa mort et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville. On a pris à l'aventure 25 ou 30 hommes que l'on va pendre. On a ôté le Parlement. C'est le dernier coup. Car Rennes sans cela ne vaut pas Vitré. Madame de Sévigné. En tout cas, ce tableau-là, il est passionnant qu'il soit au musée de Rennes. Il est passionnant qu'il nous raconte, en effet, une révolte. Mais c'est un tableau très mineur, en un certain sens. C'est un document plus qu'un tableau. C'est un document d'un artiste tombé dans l'oubli le plus total, qui mériterait sans doute qu'on le réhabilite un petit peu. La peinture, bien sûr, ça peut être des documents, mais la peinture, c'est autre chose. C'est des œuvres d'art qui, justement, ne décrivent pas un événement, mais sont capables de le sublimer, d'en tirer l'essentiel. Là, nous sommes en face d'une image. Vous savez, les historiens d'aujourd'hui font leur miel de tout. Donc à cet égard, oui, bien sûr, Chalette est un document, le tableau de Chalette, mais certainement pas un document sur la révolte du papier timbré. Il peut être un document sur la manière dont un privilégié, le commanditaire de Lamonneray, l'archidiacre, et puis un peintre tout à fait lié au privilégié, Chalette travaille essentiellement pour le Parlement et pour le clergé. Donc comment ces deux entités privilégiées peuvent exprimer un sentiment à l'égard de la révolte et de sa répression? On sent bien encore une certaine, on va dire, réserve, le mot est faible, peut-être même hostilité à l'égard de la répression. Mais voilà, c'est très très loin de ce que vivent et de ce que ressentent les Rennais. Mais il est évident qu'à partir du moment où, au XIXe siècle, les historiens bretons redécouvrent la révolte et la replacent dans ce qu'on pourrait appeler, bon an mal an, un roman provincial breton. Le roman provincial breton, c'est l'idée selon laquelle la Bretagne, depuis les origines de la Bretagne, est en lutte contre le géant français centralisateur, et donc tous les éléments de son histoire doivent être lus à l'aune de cette histoire-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, mais c'est la grille de lecture. Nous avons en Bretagne un grand historien, Arthur de la Borderie, qui a pu être qualifié de Lavis armoricain, crée un roman provincial qui aujourd'hui a une énorme influence sur les représentations que beaucoup de Bretons et même d'historiens universitaires ont de l'histoire de la Bretagne. Et ce tableau, redécouvert par les historiens du XIXe siècle, nourrit à l'évidence l'image d'un pouvoir monarchique, d'un pouvoir de Louis XIV, aux accents tyranniques. Et je crois ce que ce tableau, que la Borderie avait pu voir dans les salles du musée des Beaux-Arts où nous sommes, ce tableau a probablement contribué à nourrir sa représentation de l'événement et à renforcer son idée selon laquelle le pouvoir royal, ses soldats, avaient été odieux à la Bretagne, puisqu'après tout, c'est le sens de l'histoire. Je pense, j'imagine, hein, parce que je ne peux faire que l'imaginer, j'imagine que la Monnerie devait prendre un grand plaisir à expliquer le tableau et à dire « c'est moi qui l'ai commandé ». Je pense qu'il le revendiquait au même titre que le peintre qui l'a peint. Avec la même ardeur, la même authenticité, il était partie prenante, en quelque sorte, dans l'existence de ce tableau. Mais quand on le regarde de près, on voit que bon, si le peintre a un petit peu raté sa composition d'ensemble, si c'est pas ce qu'il y a de plus formidable, dans le détail, il y a quand même des jolis morceaux. Par exemple, devant les deux allégories, il y a une draperie rouge. La facture est quand même assez jolie. Il y a des rôdes blancs, le jeu d'ombre et de lumière sur les plis, donc ça c'est plutôt réussi. Donc, il y a des petits morceaux qui sont plutôt joliment peints. Pareil pour la partie supérieure du draperie des deux femmes, qui est assez jolie, les détails des couronnes de laurier qu'elles portent. Puis on voit aussi les petites figurines nues qui sont dans le paysage du fond, qui regardent cette ville en train de brûler. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, en étant ultra critique, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce tableau représente quelque chose en lien avec le papier timbré? Oui, mais quoi d'autre? Bah, tu montes déjà dessus, et tu vas là, il y a un accroché. C'est une révolte? Non, sire, c'est une allégorie. Enquête sur un tableau breton. Avec Pierre Rosimbert, François Bergot, Alain Croix, Gauthier Aubert et Guillaume Caseroni. Lecture Christophe Bro, prise de son Yann Fressy et Stéphane Touvenin. Mixage Arnaud Chapat. Par contre, je pense qu'il penche pas. Un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury. C'est bon, parce que j'ai cru que ça penchait. Voilà pour le quatrième temps d'une série spéciale de la Fabrique de l'Histoire à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Demain, nous continuerons et terminerons cette série en nous interrogeant sur la question des régions, de la province, de Paris et des territoires.